Fabienne Tercaeff. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Quelle suite donner à la grève à la SNCF? Ce sera l'objet de la réunion intersyndicale ce soir entre la CGT, l'UNSA, Sud et CFDT. Les différents syndicats doivent se retrouver au sein de leurs instances avant la réunion de ce soir. Normalement, la grève Perle est décidée en avril, s'arrête le 28 juin. La CGT cheminots qui avait proposé lors de la précédente réunion syndicale de faire grève les 2, 6 et 7 juillet devrait modifier sa proposition. Réunion franco-allemande en pleine crise migratoire. Angela Merkel reçoit aujourd'hui Emmanuel Macron à Berlin pour tenter d'afficher un front uni à 10 jours d'un sommet de l'Union européenne. Il devait être question de la réforme de la zone euro, mais le drame de l'Aquarius devrait faire revenir la question migratoire sur le devant de l'actualité. Hier, selon le gouvernement espagnol qui vient d'accueillir les 630 migrants de l'Aquarius, la moitié des migrants seraient intéressés pour demander l'asile en France. L'addiction aux jeux vidéo reconnue comme maladie par l'OMS. Eh oui, c'est-à-dire que les joueurs compulsifs vont pouvoir bénéficier de soins pour être diagnostiqués comme maladie. Le comportement doit avoir des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales, éducatives ou professionnelles du joueur, comme oublier de manger ou de dormir, par exemple. Le cannabis, bientôt autorisé au Canada. Ottawa est en passe de devenir le premier pays du G7 à légaliser le cannabis après l'adoption par ses députés d'un projet de loi permettant la libre consommation et production de cette drogue douce dès septembre. Le Sénat peut encore retarder l'adoption d'un projet de loi, mais pas la bloquer. Le cannabis était interdit depuis 1923 au Canada, mais l'usage à des fins médicales autorisé depuis 2001. Dans le mondial de foot, l'Angleterre et la Belgique ont réussi leur entrée dans la compétition. Hier, les Anglais ont battu la Tunisie 2-1. Les Belges ont écrasé le Panama 3-0. Trois matchs aujourd'hui. Colombie, Japon, Pologne, Sénégal et également Russie, Égypte. De la grisaille ce matin sur le nord-ouest de la France, des brouillards aussi sur le Finistère et sur la Manche, et puis des nuages de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais jusqu'en fin de matinée. On aura plutôt des éclaircies de la façade atlantique au Grand Est et puis un grand ciel bleu sur un quart sud-est du pays. Vers la mi-journée, le reste de la grisaille sur le nord de la France va se dissiper. On va assez vite avoir un grand ciel bleu sur tout le pays et ça devrait durer quelques jours, presque jusqu'à la fin de la semaine. Il fait ce matin au mercure 16 degrés à Lille et à Rennes, 17 à Lyon, 18 à Toulouse et Paris et 20 pour Toulon et Perpignan. Mardi matin, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue dans le double expresso RTL de 398e. Voici Bad Wolves et Zombies sur RTL 2. But you see, it's not me, it's not my face. Vol, c'était Zombie dans le double expresso RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Allez hop, c'est parti, 6h05, bonjour à tous, bienvenue, bonjour ma Juju, bonjour Justine. Et bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonne fête au Romuald aujourd'hui, bonjour Jojo, oh non, Jonathan, bonjour Jonathan. Bonjour Grégory Hacher. On adore se sonner de donner des surnoms, oh ouais. Là là, dis donc, c'est dur aujourd'hui. Bonjour Gégé, bonjour Jérémy. Bonjour. Il va tous les faire. Et bonjour Maxou, bonjour Max. Bonjour à tous. Voilà Jérémy qui est aux manettes, Max qui est aux réseaux sociaux, c'est lui qui vous parle hein, sur Twitter, Instagram, Facebook, en plus de nous aussi, on y va très régulièrement. Et Jonathan, à quelle heure, Jonathan? À 6h55 et 8h55. Bon, parfait. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Oui, mais j'ai eu un lundi, vous savez, lundi qui sert à rien. Le lundi où je me suis reposée, j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. J'ai pas fait de sport. C'est une grosse surprise, en tout cas. Jour habituel. Vraiment, j'ai fait une journée qui a servi à rien. Ah, et toi? Moi, j'ai perdu des sous à cause des paris de la Coupe du Monde, là. Enfin, des toutes petites sommes, hein. C'est pas des trucs dingues, mais c'est chiant, tu vois. C'est des buts à la dernière seconde. Faut faire pile poil le score. Bah, tu peux choisir qui gagne. Et après, le score te fait doubler quand même. J'ai envie de parier, faut que vous m'appreniez. On précise, on ne joue pas que de l'argent, c'est aussi des histoires de paris entre potes. Mais là, entre nous, on se donne des scores et puis après, ça fait des points suivant le nombre de points. J'ai envie de m'y mettre. Et ben, on va t'installer dans l'équipe des parieurs. Ouais. La chance du débutant, on n'est pas à l'abri, hein. Ouais. On n'est pas à l'abri que ça puisse fonctionner. Ce matin, évidemment, l'Info Expresso à 6h18, je vous raconterai les noms des plus grands groupes. Pourquoi ils s'appellent comme ça? Ah. C'est pas mal, hein. Genre U2, genre ACDC, genre Dépêche Mode. L'horoscope à 6h25, le winner du jour à 6h35, le tube de la brosse à dents, c'est le numéro de téléphone. Le 3228. 500€ à dépenser sur le site spartou.com. Inscrivez-vous dès maintenant. Le top 3 de Jonathan et Meya. Voici All About the Money sur RTL2. RTL 2 à 6h10. Alors, on a une petite tradition pour apprendre dans cette période de bac, c'est progresser avec Jérémy, notre réalisateur. C'est les fameuses English Lessons. English Lesson by Jérémy. Alors, Jérémy. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive comme morceau? Ben, c'est un petit Queen. Voilà, mais là, il faut le titre, là. Bohemian and Rhapsody. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Ouais. Et tu vas enchaîner avec le U2 derrière, ça sera quoi? Oh là, le U2 Magnificent. Ouais, bah bravo. Tu as ton bac d'anglais. Voilà, et en extrait, j'adore. J'étais tellement fier. Ouais. Avec prof Justine, c'est facile. Ouais. Bohemian Rhapsody, on est les seuls à vous l'offrir en intégralité. Et c'est à suivre dans le double expresso avec les explications des noms de groupes les plus célèbres au monde. A tout de suite sur RTL 2. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio pop rock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, chez Lidl... Arrête de chipoter là. Et justement, en ce moment, les 18 chipolatas supérieurs boyaux naturels sont à 5,49€, moins 21%. 5,49€ des chipolatas supérieurs, les 18. Ah oui, et du pour origine France patron, hein. Et à 31 centimes la chipo, pour notre barbecue ça serait... La barbe, j'annule le barbecue. Non. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,49€ la barquette d'un kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 26 juin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucré. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we all stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we all stuck and avec le double expresso RTL 2, le son pop rock. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little high.

dans le double expresso RTL de Bohemian Rhapsody. C'est bon. 6h20, Bohemian Rhapsody. L'info expresso du double expresso RTL de Bohemian Rhapsody. Bah, c'est mon English lesson à moi. C'est mon English lesson à moi qui n'est pas passé. Bon, puisqu'on parle de Queen, je vais te parler de groupe mythique, Justine. Allez. Et à toutes et à tous, dans l'info expresso, vous savez, on fouille la presse, le web. Je vais vous donner les explications des noms les plus mythiques. AC/DC, est-ce que vous savez? Vous savez. D'une soirée avec trop d'alcool, je sais pas. Non, en fait, c'est sur les appareils électroménagers. C'est la sœur d'Angus Young qui a vu Alternative Current Direct Current. Alternative Current slash Direct Current. C'est courant alternatif, courant continu. Les initiales ACDC. Ça donne de l'énergie et voilà comment ils ont créé le nom du groupe. C'est drôle. Pas mal. Le ménage. Exactement. Dépêche Mode. Just Can't Get Enough, juste derrière nous. Pourquoi ce nom? En fait, ça serait en réalité d'un magazine français de la fin des années 70, en pleine nouvelle vague. La légende voudrait que l'organisateur d'un festival ait demandé le nom du groupe au chanteur. Il y avait le numéro du journal qui traînait par terre. Il a dit, Dépêche Mode. Voilà, tout simplement. C'est drôle. C'est assez génial, c'est quand même, comme histoire. Dire Straits. Énorme groupe de rock, Guitar Hero qu'on aime évidemment. En fait, ils ont connu des débuts très très très difficiles, comme beaucoup de groupes, ça marchait pas du tout. Et donc, Dire Straits, to be in dire straits veut dire être dans une situation désespérée financièrement. Ils arrivaient même plus à se nourrir. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, on va s'appeler Dire Straits, parce qu'on est au bout du bout du bout de la rue. Et puis U2, tiens, U2, ça vient d'où? Eh bien en fait, 10 jours avant la naissance du leader Bono, le célèbre avion de reconnaissance américain Locked U2 fut abattu au-dessus de l'URSS. Ils ont pris ce nom-là, et ça vient de là, tout simplement, en hommage. Comme quoi, il faut pas trop se torturer l'esprit pour chercher un nom de groupe. Comme nous, hein, double expresso, deux cafés, c'est le matin, on aime bien, c'est pas très compliqué, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Magnificent. Vous savez d'où vient le nom U2? C'était l'avion américain Locked Out U2. On vous l'a dit il y a quelques secondes dans l'Info Expresso. Allez, voici l'horoscope du jour. Les médailles de bronze, Justine, et les béliers. Vous avez du pain sur la planche aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de procrastiner. Les vierges. Vous tournez un peu en rond. Trouvez-vous de nouvelles activités pour vous remotiver. Les médailles d'argent avec les gémeaux. Vous savez régler les conflits. Un vrai diplomate. Cancer. Vous êtes plein d'assurance et la chance semble vous sourire. Les lions. Vous avez du charme en ce mardi, les lions. Personne n'y est insensible. Les balances. Vous réussissez à gérer votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Belle performance. Scorpion. Vous profitez des petits plaisirs de la vie. Vous avez raison. Sagittaire. Vous avez toujours le mot pour rire. Vos collègues apprécient votre compagnie. Capricorne. Votre sens de la répartie fait des ravages. Vous arrivez à vous sortir de toutes les situations délicates. Verseau. Vous vous démarquez grâce à votre travail. Une belle opportunité est à venir. Médaille d'argent, toujours les poissons. Les poissons, vous êtes de vrais fêtards. Rien ne vous arrête. Et la médaille d'or du jour, c'est pour? Pour les taureaux. Vous avez le vent en poupe aujourd'hui. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Les Cardigans. Favorite game pour le son pop rock d'RTL2. Il y aura aussi le winner du jour. Et puis n'oubliez pas, 500 euros à gagner au tube de la brosse à dents RTL2. 500 euros à dépenser sur le site spartoo.com. Sinon, ça fait de la publicité mensongère. A tout de suite sur RTL2. Jeudi, RTL2 fête la musique. Dès 8h et tout au long de la journée, les artistes viennent dans nos studios et jouent pour vous en direct sur RTL2. Jeudi, c'est l'été et la fête de la musique sur RTL2. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien, dans ce cas vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Chérie. Oui. Est-ce que tu accepterais de venir en vacances avec moi cet été? Oh oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo du TGV avec 2 billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jantes 18 pouces. À partir de 380 euros par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. RTL 2 à la seconde près, il est 6h30, c'est le double expresso, vos infos avec Fabienne Tercaef. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors Fabienne, après la philo, l'histoire géo? Eh oui, les 558 000 candidats au bac général et technologique attaquent la deuxième épreuve du bac aujourd'hui. Et à noter que pendant la durée des épreuves, la nouvelle plateforme d'accès au supérieur Parcoursup est suspendue pour que les candidats puissent se concentrer pleinement sur leurs révisions et leurs épreuves. Pas de proposition, pas d'actualisation des listes d'attente jusqu'au 26 juin. Grève suspendue chez Air France. L'intersyndicale de pilotes, de personnel au sol et d'hôtesses et de stewards ont décidé d'attendre la nomination d'un nouveau PDG prévu mi-juillet. En revanche, le SPAF, le deuxième syndicat de pilotes, maintient son préavis à partir du 23 juin. L'intersyndicale demande 5% d'augmentation pour les personnels. La direction en propose 3. L'autre grève qui dure depuis 3 mois, c'est celle à la SNCF. Normalement, elle doit se terminer le 28 juin, mais elle pourrait bien se prolonger. L'intersyndicale se retrouve ce soir en réunion. Elle pourrait décider de maintenir le mouvement pendant les ou une partie de l'été. A noter qu'hier midi, le trafic a été interrompu pendant 45 minutes sur la ligne A du RER A. Rien à voir avec la grève. C'est un bébé qui est né à la station Aubert. La maman et le petit garçon vont bien. Et la RATP offre le trajet voyageur au bébé jusqu'à ses 25 ans. Réunion franco-allemande en pleine crise migratoire. Angela Merkel reçoit aujourd'hui Emmanuel Macron à Berlin pour tenter d'afficher un front uni à 10 jours d'un sommet de l'Union européenne. Il devrait être question de la réforme de la zone euro, mais le drame de l'Aquarius devrait faire revenir aussi la question migratoire sur le devant d'actu. Hier, selon le gouvernement espagnol qui vient d'accueillir les 630 migrants de l'Aquarius, la moitié des migrants seraient intéressés pour demander l'asile à la France. Dans le mondial de foot, l'Angleterre et la Belgique ont réussi à rentrer dans la compétition hier. Les Anglais ont fébrilement battu la Tunisie 2-1. Les Belges ont écrasé le Panama 3-0. Trois matchs aujourd'hui, Colombie-Japon, Pologne-Sénégal et Russie-Égypte. De la grisaille ce matin sur le nord-ouest de la France surtout. Des brouillards sur le Finistère et également sur la Manche. Et puis des nuages de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais jusqu'en fin de matinée. On aura plutôt des éclaircies de la façade atlantique jusqu'au Grand Est et un grand ciel bleu sur un quart sud-est du pays. Vers la mi-journée, le reste de la grisaille sur le nord de la France va se dissiper et on va assez vite avoir un grand ciel bleu sur toute la France. Et en plus, ça devrait durer plusieurs jours. Les températures ce matin, 16 à Lille et à Rennes, 17 à Lyon, 18 à Toulouse et Paris, 20 degrés à Toulon et Perpignan. 6h32, c'est le double expresso RTL2. Bonjour, bienvenue en ce mardi matin. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. C'est The Cardigans sur RTL2. We'll be right back. Hooligans, My Favorite Game sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. C'est du foot, c'est l'actu. Ah, forcément. Bon, c'était l'excuse. Oui, mais non. Pendant un mois, c'est l'actu. Non, mais là, attention, Mexico. Bon, le Mexique a créé le premier exploit du mondial. Ils ont battu l'Allemagne 1-0. Ils avaient déjà créé le premier exploit d'avant mondial avec leur orgie et tout ce qu'il fallait au niveau du buzz. Ils sont pas mal, les Mexicains, en termes de notoriété cette année. Bah, leurs supporters n'ont pas voulu rester en reste. Et eux aussi ont fait quelque chose de fort. Il y a un groupe d'amis qui est parti pour la Russie, un groupe d'amis mexicains. Mais il y en a un qui n'a pas pu venir parce que madame a dit non. La victime du groupe. Il est resté chez lui, mais il n'a pas eu l'accord. Du coup, afin d'intégrer cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait leurs amis, ils ont pris une taille réelle de lui, une photo taille réelle de lui. D'accord, le gars fait 1m75, ils l'ont pris, ils l'ont collé sur un carton avec un t-shirt sur lequel il y a marqué « Ma femme a dit non ». Ils l'ont emmené avec eux en Russie. Et à chaque endroit où va ce groupe de supporters, ils prennent ce carton avec la photo de leur pote, ils font des photos et il est partout avec eux, à tout moment, dans les stades, dans les parkings, dans les avant-matchs. Et donc du coup, le copain mexicain a pu assister à la victoire contre l'Allemagne dans le stade avec le carton. Il est sur les photos, mais il n'est pas vraiment là. Mais tout drôle. Le monde est au courant que c'est ça. La femme qui décide en même temps. Bah oui, hein. Je pense qu'on a compris qu'il portait la culotte ou en tout cas le short à la maison. Ça fait penser à In the Air, Georges Clooney, pareil, il y a ça, et dans Amélie Poulain également. On pourrait faire ça. On pourrait faire une photo de toi de taille réelle et l'emmener un peu partout dans les stades. Bah, je viens avec vous, moi. Ah oui. Alors, du coup, on va écouter Jason et Mraz, qui lui sera avec nous pour la fête de la musique, ce sera jeudi matin. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Et I'm yours, on a une très bonne nouvelle pour vous. Vous

6h46, c'est le double expresso RTL2. Je refusais de parler sur la voix de Sting. Tu savais que c'était Sting qui chantait la sondeur? Non, regarde-moi dans les yeux. Bien sûr que je le savais. Ah, tu savais pas. Il fait une collaboration avec Mark Knopfler et le groupe Dire Straits dans cette chanson. Money for Nothing. Je l'aurais tout appris. Ah, ouais, c'est peu. Vrai, t'es le Wikipédia pop rock. J'avais complètement oublié cette histoire. On joue au tube de la brosse à dents juste après nos guitares et euros préférés sur RTL2. Sur RTL2 à 7h10. RTL2, le tube de la brosse à dents. C'est pas de l'argent pour rien pour le coup. Il y a 500 euros à dépenser sur spartoo.com et c'est pour Magali. Bonjour Magali. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Magali, ça va bien? Ah, super bien, je suis super contente de commencer la journée avec vous. Oh bah ouais, plaisir partagé. Vous êtes où là en ce moment? Je suis à la maison dans la salle à manger pendant que mes filles dorment et que mon mari est déjà parti travailler. Ah bon. Et vous nous appelez d'où? Du Var. Du bon. Var. Alors Magali, vous l'avez entendu, il y a 500 euros à dépenser sur spartoo.com. Oui. Qu'est-ce que vous venez de fêter exactement? Nos 20 ans ensemble. Oh là là là. 20 ans, ça... mais vous avez une voix jeune. Bah, elle est jeune, hein, c'est pour ça. Ans, on s'est mis ensemble super jeune. Ah oui, en effet. Voilà. Ah mais c'est ça, c'est que vous êtes mis ensemble très tôt. Vous avez une voix ça. Jeune. Ah ben vous avez une voix jeune quand même pour quelqu'un qui a 50 ans de mariage, c'est étonnant. Bon, Magali, on y va. Je vous présente Bruce Springsteen. Salut Bruce. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Ça va ma Magali? Oui, très bien. Magnifique. Allez, Bros, à toi de chanter à Magali et de trouver. Bonne chance, Magali. Alors Magali, vite, chanteuse française, vite. Yannick, non. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Vanessa Paradis. Bravo, c'est bien. Bah oui, mais c'était sur le gong. C'est le gong le plus long des gongs. Je suis en train de me faire gronder par notre coordinateur à côté, Magali, mais bon, c'est gagné. Oui, mais parce que il faut bien expliquer. Vraiment, ça va faire des heureux. Jules, c'est une mauvaise personne, notre coordinateur. Voilà, c'est un être diabolique qui n'aime personne, qui n'aime pas l'humain et qui donc souhaitait vous faire perdre. Alors que nous, on veut vous faire gagner. Bravo, 500 euros à dépenser sur spartoo.com. On vous embrasse très fort, Magali. Oh, merci. Félicitations. Merci. Tant mieux si ça fait des heureuses, c'est fait pour. Et. Magali, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Avec le plus grand des bonheurs, un double expresso. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. La mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Vanessa Paradis, il y a sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Ah là là, on passe d'une idole à l'autre pour Justine Salmon. Après Vanessa Paradis, son autre idole, c'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, tu fais bien de le préciser. T'en emballe pas, va. Bonjour ma petite Justine. Bonjour Jojo. Moi aussi, je suis très heureux de te voir. Voilà. Et on va commencer cette chronique en parlant gros sous. On parle argent. L'ancien PDG de Carrefour a renoncé à son indemnité de départ de 4 millions d'euros. Ah oui. Voilà, c'était ça, ce qui était prévu pour le départ. 4 millions pour un départ. Moi, quand j'ai quitté mon ex, j'ai même pas récupéré mes caleçons. Tu vois, lui, il a 4 millions. Bon, c'est deux salles, deux ambiances. Ah, une petite info géographie. Le pays, la Macédoine. Vous connaissez la Macédoine? Oui. Eh ben, ne s'appelle plus la Macédoine, mais la Macédoine du Nord. Ah, ah ouais, ce qui change pas grand chose, parce que nord ou sud, personne ne s'est placé ce pays. Donc de toute façon, on sait pas où c'est, on s'en fout. Hein. Et on s'en va à Lyon pour finir. Un homme a laissé seul dans son appartement son neveu de 9 ans et qui a sauté du 3e étage en jetant d'abord un matelas pour amortir sa chute. Enfin. Malin. Ouais, mais bon, Mamoudou Gassama, il peut pas être partout non plus. Donc,

refusé d'accueillir les 630 migrants africains de l'Aquarius. Le ministre italien de l'Intérieur annonce le prochain recensement des Roms vivant en Italie. Il souhaite expulser ceux de nationalité étrangère et en situation irrégulière et garder, malheureusement, dit-il, les Italiens. Ce projet de recensement a déclenché un tollé dans les rangs de l'opposition. Les obsèques d'Yvette Horner, elles auront lieu ce matin dans le premier arrondissement de Paris, mais une autre cérémonie aura lieu demain à Tarbes, sa ville natale, où elle sera inhumée. La célèbre accordéoniste et reine des bals populaires est décédée lundi de la semaine dernière à l'âge de 95 ans à Courbevoie. Elle a vendu plus de 30 millions de disques. Et puis au mondial de foot, l'Angleterre et la Belgique ont réussi la rentrée dans la compétition hier en remportant leur rencontre. Trois matchs aujourd'hui, Colombie-Japon, Pologne-Sénégal et Russie-Égypte. Et puis toujours en foot, on savait déjà qu'Antoine Griezmann restait à l'Atlético Madrid. Il a re-signé un contrat pour jusque 2023. De la grisaille ce matin sur le nord-ouest de la France, des brouillards sur le Finistère et sur la Manche, et puis des nuages de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais jusqu'en fin de matinée. On aura plutôt des éclaircies de la façade atlantique au Grand Est et même un grand ciel bleu sur un quart sud-est du pays. Vers la mi-journée, le reste de la grisaille sur le nord du pays va se dissiper. On va assez vite avoir un grand ciel bleu sur toute la France et ça devrait durer plusieurs jours. Les températures en ce moment, 12 degrés ce matin à Châteauroux, 16 à Pau et à Toulouse, 15 degrés pour Strasbourg et 17 à Rennes et à Lyon. 7h03, excellente matinée à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Voici nos dates. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, no, just what you said. So please. Tell me 'cause it hurts. Don't speak. Don't Speak sur RTL de 7h07. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Et ça fait plaisir de vous retrouver. C'est mardi matin, c'est le 19 juin. Bonjour Justine. Et salut Greg, bonjour tout le monde. Bonjour à toute l'équipe, évidemment, avec Jonathan O'Donnell. Salut. Jérémy, qui est aux manettes. Bonjour. Et Max, notre copain des réseaux sociaux. Salut. Je voulais vous dire un truc hyper important. Si vous croisez Jean Dujardin aujourd'hui, vous lui souhaitez un bon anniversaire. Bah oui, c'est la personne qu'on croise vraiment tous les jours. Ouais, hyper régulièrement, non ? Lui envoyer un texto, évidemment. Ouais. Bah ouais, enfin un texto, j'ai la raison, Jonathan fait ça. Philippe Manœuvre également, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'était mon idole, Kathleen Turner, la comédienne qu'on avait vue dans La Poursuite du Diamant Vert avec Michael Douglas. Bon, là, évidemment, je parle pour les jeunes quadras. Hein, je dis pas quadras, je dis jeunes quadras. C'est une différence importante. Et c'est l'anniversaire d'une de mes idoles aussi, ma grande sœur. Voilà. Ah oui, bah, si on la croise, on lui fera un bisou. Exactement, voilà, on n'hésite pas, je lui évidemment. Un texto aussi. Peter Gabriel, James Arthur et Tom Walker pour le son pop rock. On jouera à la banque tout à l'heure au 32-28. Bonjour, bienvenue. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed for miles. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker qui sera à l'affiche du festival Lollapalooza, ce sera le 22 juillet, le dimanche avec RTL 2. On fait deux émissions spéciales, hein, Justine, samedi et dimanche, oui. En juillet, on aura l'occasion de vous en reparler. L'info expresso ? Eh bien, si vous êtes un adulte et que vous regardez encore les dessins animés, ne culpabilisez plus. Ça veut simplement dire que vous prenez soin de votre santé. Je vous explique ça là-dedans. On a le droit aux dessins animés. Au moins de 5 minutes. C'est cool ça, c'est l'info cool. expresso qui vient. Peter Gabriel pour le son pop rock. Ah, mais c'est bien. Je suis fan des dessins animés, moi. Mais faut pas dire ça trop fort à mes enfants, ni à vos enfants, vous qui nous écoutez, parce que sinon, vous allez laisser devant la télé tout au long de la journée. A tout de suite sur RTL 2. C'est votre commandant de bord Francis Zégut qui vous parle. Bienvenue sur Pop Rock Station Airlines pour un voyage au cœur du son pop rock RTL 2. Une collation et un plateau repas vous seront servis avec quelques morceaux classiques et des nouveautés. Quelques turbulences seront à prévoir avec quelques riffs de guitares énervées. Attention, décollage! garage. Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zegut sur RTL2. Merci madame. C'est la fiesta. On sort les cocotiges, on se crème le visage et on se démêle les cheveux. Et maintenant, on va se laver les dents de bas en haut et de haut en bas. Chez La Paire, la salle de bain est à la fête avec la fête des prix bienfaits. Et jusqu'au 25 juin, on vous offre jusqu'à 1 500 € de remise sur votre projet salle de bain. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand Kill. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 € de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool! Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Normandie. À l'essai, dans la fromagerie Réo, on moule le camembert à la main depuis 1931 avec le lait des vaches des fermes alentours. Le camembert artisanal Réo, c'est le produit star de la fromagerie. Et avec les stars, on ne laisse rien au hasard. Par exemple, chaque mouleur dépose 5 louches de lait caillé dans le moule. Pas une de plus, pas une de moins. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Breaking my back. 7h16, bonjour à tous, c'est le double expresso RTL de Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Je vous l'ai pas dit, mais il y aura l'horoscope à 7h25. Il y aura également la chanson du jour à 7h35, la banque RTL de 32-28 à 7h45. Puis on terminera l'heure avec les savoirs inutiles à 8h05. Voici Peter Gabriel, Sledgehammer dans le double expresso RTL 2. Gabriel dans le double expresso RTL2. Sledgehammer. L'info expresso RTL2. 7h21, c'est à toi Justine, l'info expresso qu'on trouve dans la presse, dans le web, un peu partout. Et que j'ai trouvé ce matin sur Oh My Mag. Alors non, les dessins animés ne sont pas destinés qu'aux enfants. Ah. Si vous êtes un adulte et que vous vous cachez pour regarder des dessins animés, ne le faites plus, puisqu'en fait, regarder serait bénéfique pour votre morale. Mais bien sûr, moi je continue. Ah, moi aussi, j'assume complètement. Ah, ouais. En fait, c'est une chroniqueuse du Huffington Post qui a confié que les dessins animés l'ont fortement aidé à lutter contre la dépression et l'anxiété. Moi, par exemple, quand j'ai un petit coup de mou, je regarde ça, j'avoue. C'est l'histoire de la vie. Et je pleure encore plus. Le cycle éternel. Barba papa. Il est drôle. Connaisseur. Le roi lion, bien sûr. En gros, en fait, les couleurs et les dessins ultra mignons font du bien au moral. Et puis l'espoir, le bonheur, le confort, les valeurs des dessins animés font du bien. Dans la même lignée, les dessins animés comiques seraient le meilleur remède face aux coups de blues. Voilà, vous le savez, au moins. C'est pour ça qu'on a des trucs fétiches. Greg, vraiment. Jonathan, vous avez des dessins animés antidépressifs. Attends, regarde, Jonathan, il en a un, il nous en a parlé depuis une demi-heure. Allez, vas-y. Ah, moi, je suis sur Aladdin, les gars. Sa seigneurie, Ali Abba. Je m'identifie au personnage. Il est touchant, hein. Ouais, bon. C'est une question de génération. Moi, c'est plutôt le livre de la jungle, hein, évidemment. J'étais pas né quand il est sorti, quand même, je précise. Ouais, ouais. Ah, parce que commencez pas à croire que j'ai vu la télé en noir et blanc et tout ça, hein, parce que ça a mal se passer. Hein. Greg, qui a 102 ans, quoi. Ah, bah, je suis arrivé sur le Titanic, hein. Je m'en suis sorti. On vous met tout ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Vous n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, du coup, hein, ce que vous aimez comme dessin animé. Oui, dites-nous tout sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Et on écoute James Arthur. Voici Impossible avant votre horoscope dans le Double Expresso. 7h23, bonjour. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are. And broken hearts, I know. When thinking all you need is there, building faith on nothing was empty promises. Well, where I know. When now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me on your own, you can go ahead. Tell them all I know. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. James Arthur.

matin que le nombre de réfugiés et de déplacés internes suite au conflit dans le monde a atteint en 2017 un nouveau record pour la 5e année de suite, 68,5 millions de personnes. L'addiction aux jeux vidéo reconnue comme maladie par l'OMS. C'est-à-dire que les joueurs compulsifs vont pouvoir bénéficier de soins. Pour être diagnostiqués comme maladie, le comportement doit avoir des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales, éducatives ou professionnelles du joueur, comme oublier de manger ou de dormir, par exemple. Le cannabis, bientôt autorisé au Canada, Ottawa est en passe de devenir le premier pays du G7 à légaliser le cannabis après l'adoption par ses députés d'un projet de loi permettant la libre consommation et production de cette drogue douce dès septembre. Le Sénat peut encore retarder l'adoption d'un projet de loi, mais pas la bloquer. Le cannabis était interdit depuis 1923 au Canada, mais l'usage à des fins médicales autorisé depuis 2001. Et puis dans le mondial de foot, l'Angleterre et la Belgique ont remporté leur match hier. Du côté de la météo, de la grisaille ce matin sur le nord-ouest de la France, des brouillards sur le Finistère et sur la Manche, et puis des nuages de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais jusqu'en fin de matinée. On aura plutôt des éclaircies de la façade atlantique jusqu'au Grand Est, et puis un grand ciel bleu sur un quart sud-est du pays. Vers la mi-journée, le reste de la grisaille sur le nord de la France va se dissiper, et on va assez vite avoir un grand ciel bleu sur toute la France qui devrait durer quelques jours, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les températures en ce moment, 16 degrés à Lille, 17 à Rennes et à Lyon, 18 à Toulouse et Paris et 20 pour Toulon et Perpignan. 7h32, bonjour, bienvenue dans le double expresso RTL2, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Vous l'avez entendu, il y a une dizaine de jours, Déborah a gagné 10 000 euros dans la banque, 10 000 euros qui sont tombés, ça peut vous arriver hein, tous ça les matins. Ça peut vous arriver complètement, appelez-nous au 3228, sinon vous envoyez un petit SMS, le mot banque au 74 900. On a aussi des séjours au parc Astérix pour 4 personnes à gagner cette semaine. Bon, et dans quelques secondes, la chanson du jour. Bon, ça t'intéresse. Non, mais parce que je viens de tomber sur une news, je viens de recevoir un push. La science a parlé, il est naturel de préférer les frites aux brocolis. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais trouver la news. Cherchons juste après Dido. RTL2 ou Daido si vous préférez. Thank you. 7h36. Daido. RTL2, la chanson du jour. Justine ? Non, Justine. Non, bah oui. Bon, ma chanson du jour. Hier, on a eu le droit à une reprise d'Amy Winehouse. Vous vous souvenez, c'était Valérie. Ouais. C'est pas si vieux. A priori, tu dois te souvenir. Bon, et ben, ce matin, c'est une reprise d'une chanson de 1964. Oui, alors dit comme ça, vous dites, mais enfin. Et c'est une chanson qui a été reprise par de très, très nombreux artistes. Une chanson qui a traversé les époques, interprétée par des générations entières, dont Muse. Cette chanson, c'est Feeling Good. Et pour Matthew Bellamy, le chanteur du groupe, c'est une chanson qui permet de regarder vers le futur avec espoir. La musique est très sombre, nous dit-il, mais le texte est, c'est lui hein, qui le dit, mielleux. D'accord. Un petit peu naïf. Poème joyeux, positif, qui vous fait dire qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Alors on va écouter cette chanson qui est Feel Good. Ça tombe bien, le titre c'est Feeling Good. C'est une chanson qui fait du bien. Voilà, c'est Muse dans le double expresso RTL2. Feeling Good. Bon réveil, bon début de journée, tout va bien. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Une chanson qui fait du bien, Muse, Feeling Good dans le double expresso RTL2. On a aussi Aerosmith hein, qui fait plaisir. Crying. Et puis la banque RTL2, et j'ai l'explication du pourquoi. Alors, il est naturel de préférer les frites aux brocolis. Mais c'est logique. Bah, c'est logique, il y a un truc pas très bon et un truc trop bon. Ouais, mais en fait, quand je l'ai lu, j'ai cru que j'avais dit l'inverse. Mais quel neuneu. Je pensais que c'était logique de préférer les brocolis aux frites, mais en fait, non, c'est le... Oh là là. Bon, voilà. T'es sympa, hey, mais... Alors, je vous donnerai l'explication quand même. Non ? Bon, aussi. Bah, on tout sur RTL2. Non, bon, on n'a pas le temps, là. Restez avec nous, ça arrive, promis. Teasing. RTL2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio Pop Rock. Arthur est pompier. Quand son beeper sonne, des vies sont en jeu. Alors il doit partir au plus vite. Mais le risque, quand on va très vite, c'est d'oublier ses clés chez soi.

Aerosmith, Crying dans le double expresso RTL2. Vous avez appris que vous préférez les frites au brocoli. 7h48. Laisse-nous tranquille. C'est l'heure de la banque RTL2. Allez, bonjour Cécile. Bonjour. Salut Cécile. Ça va? Bonjour. Bon, elle est contente. Et vous êtes contente, Cécile, oui, ça va? Tout super, va bien. Je suis super ravie d'être avec vous. Ah ben, nous aussi. Et grâce à vous, je commence super bien mes journées avant d'aller au travail. Donc, je suis super ravie. C'est super gentil, merci. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites comme travail, justement, puisque vous l'évoquez? Alors, je suis ATSEM dans les écoles maternelles. D'accord, vous aidez les institutrices et les instituteurs. Vous exactement, êtes aux côtés avec les exactement. Enfants. Un grand bravo, voilà. Un grand merci pour votre travail, évidemment. Oui. Je vois que vous trouvez toujours des excuses à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a jamais, personne n'a jamais tort avec vous, en fait. C'est génial. Non, tout le monde est gentil, quoi. Vous pouvez trouver une excuse à Greg pour avoir trouvé cette superbe info, comme quand on préférait les frites aux brocolis. Vous n'aimez pas mes infos, vous n'aimez pas. Par exemple. Mais vous n'aimez pas quand j'informe la France, comme ça, pop rock? Si. Bah, je suis déçu. Si. Merci. C'est des petites infos qui donnent des petits plaisirs à voilà, elle a trouvé une excuse, voilà. Cécile. Beaucoup trop sympa, Cécile. On va jouer pour vous puissiez gagner jusqu'à 10 000 euros. Attention au coffre vide, vous avez une minute. Top chrono. Voici le coffre. Allez. 1. C'est parti. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Allez, bim, ça commence bien. 650 euros, séjour au parc Astérix en famille. On va passer. On prend pas? Ouais. On va essayer d'autre chose, on va voir. Coffre 2. Le nouvel iPad. Un nouvel iPad. 409 euros l'iPad. On passe. Coffre 3. 400 euros. Du cash. 400 euros en cash. Je prends. Ouais, pour les vacances, c'est pas mal. Là. On prend le cash, c'est sûr. Exactement. On s'arrête exactement. Là. Il y a peut-être mieux derrière. Il y a peut-être moins bien. Il reste 20 secondes. Ouais, non, mais on prend. Allez, bravo, allez. C'est gagné. Bravo, Cécile. 400 euros en cash qui viennent d'être gagnés par Cécile du côté super. De Toulouse. Parce qu'on l'avait pas dit, vous êtes au Vernet, c'est près de Toulouse. Bravo. Exactement, qu'est-ce qu'il exactement. Y avait dans le coffre 4, Jérémy? Les aiguilles à tricoter de Justine. Oh ben elles voilà. sont neuves pourtant. Et on a très bien fait. Les aiguilles non utilisées de Justine. J'ai commencé, arrête oui, un peu. Oui, t'as commencé, tu veux vite arrêter. On vous embrasse, Cécile. Merci d'avoir moi joué aussi, avec nous. Pour prochaine banque dans moins d'une heure, 32-28 ou banque au 74-900. Cécile, on vous embrasse et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, s'il vous plaît. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. by the coast. These people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's when we watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Ed Sheeran, Castle on the Hill sur RTL de 7h54. RTL 2, les savoirs inutiles. Ah, ça nous ramène en enfance, ça. Est-ce que tu vas nous apprendre quelque chose de plus intéressant, que les frites soient meilleures que les brocolis? Mais non, c'était le savoir inutile du jour, je vais vous le raconter maintenant. En fait, je vais vous expliquer un truc qui nous concerne toutes et tous. Bon, on a tous un nez. A priori, là, ici, tout le monde a un nez, tout le monde a une narine. Ça va, oui. Bon, l'une de nos narines est régulièrement plus ouverte que l'autre. Il faut que vous le sachiez. On respire plus avec l'une d'entre elles durant une heure ou deux, puis l'autre après prend le relais. Pour s'en convaincre, vous pouvez boucher une narine, puis essayer d'inspirer à fond. Boucher une narine. Mais qu'on a enrhumé, quoi. Mais non, mais arrête de me détruire mon savoir inutile. Si, c'est vrai. Je suis en train de te dire qu'on a, on a un cycle nasal. C'est le nom, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un cycle nasal qui est utile et naturel. Il permet de mieux sentir les odeurs. Certaines effluves sont mieux détectées avec une narine que l'autre. Du coup, on utilise les deux. Il y a Jérémy qui réalise l'émission. Il est penché, il se bloque une narine. Il est en train de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez les deux narines qui sont ouvertes, mais il y en a une qui est plus ouverte que l'autre. C'est pas 50% de narine à gauche, 50% de narine à droite. Vous utilisez plus une narine que l'autre et ça change toutes les deux heures. J'ai l'impression qu'aujourd'hui t'es le roi des infos inutiles. Alors toi, vraiment, je sens qu'on va pas s'entendre jusqu'à 9h. Hein. Je suis pas content. Hein. Des infos inutiles d'ailleurs. Ouais. C'est mieux. Ils sont pas proches à suivre, Jérémy. J'aurais pu vous parler des frites et des brocolis aussi. Laisse-nous tranquille. Parce que j'ai une excellente info concernant les frites et les brocolis. Je vous en ai parlé ou pas? Non, bon, je suis curieux. Ça va venir après Tips sur RTL 2. RTL 2 présente Jacob Banks. Yo, I'm Jacob Banks on RTL 2, the pop rock radio. Dès que vous entendez Unknown to You de Jacob Banks, soyez les premiers à appeler RTL 2 au 3228 et gagnez un smartphone Samsung Galaxy S9. Jacob Banks, vous l'avez découvert sur RTL 2. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir. Économise. Au contrôle technique, s'il vérifie votre pare-brise, c'est pas pour rien, non? Alors, si vous avez un impact, venez le faire réparer chez Carglass avant qu'il fissure. Et jusqu'au 30 juin, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre le nouveau contrôle technique dans les centres Décra et Norisco. Profitez-en, faut pas rater ça! Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Transporter jusqu'à 17 mètres cubes de marchandises et manœuvrer sans stress. C'est le savoir-faire du Peugeot Boxer avec son grand volume de chargement et sa caméra de recul. En plus d'être robuste, il est aussi très habile à vos côtés. En ce moment, le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 2640€ hors taxe. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Leclerc. Dis donc Philippe, on prépare l'été à ce que je vois. Ah ça? Oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91€, soit 1,32€ le litre. Voir modalité et magasin participant sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. RTL 2. Et côté météo, on attend du beau temps à... Au niveau des températures, il fera 22 degrés à... Vite, prenez le dessus. Prenez Humex Rhume des Foins à la béclométasone. Humex Rhume des Foins à la béclométasone. Médicament pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Humex Rhume des Foins à la béclométasone est disponible en pharmacie. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Oise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D et aide au stationnement arrière est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 3155€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80€ offerts sur nos boîtiers. Oui, 80€. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. C'est avec beaucoup de joie, mais sans alcool, que la bière Edelweiss vous fait part de sa dernière création. Edelweiss saveur citron givré. Ultra rafraîchissante, elle s'annonce 100% gourmande pour 0% d'alcool. Félicitations, c'est une Edelweiss saveur citron givré et sans alcool, s'il vous plaît. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour et bon mardi matin. Bienvenue sur RTL 2, il est 8h. Oui. Et c'est l'heure des infos, tout de suite avec Fabienne Derkev. Bonjour Fabienne. Bonjour Justine, bonjour à tous. Plus de 68 millions de personnes déplacées dans le monde en 2017. Il s'agit des populations victimes de conflits dans le monde, un record pour la 5e année de suite. La moitié sont des enfants, selon l'ONU. Il sera d'ailleurs question de la question migratoire aujourd'hui, lors d'une réunion entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Berlin, au moment où l'Aquarius et ses 630 migrants africains viennent d'arriver en Espagne, après avoir été ballottés entre les pays européens pendant plusieurs jours. Une politique migratoire de plus en plus dure aux États-Unis. Donald Trump a annoncé hier qu'il ne laisserait pas le pays devenir un camp pour migrants. Une déclaration qui a rajouté au tollé provoqué par la séparation de plus de 2300 mineurs arrachés à leurs parents sans papier. La première dame, Melania Trump, a même réagi en affirmant détester voir des enfants séparés de leur famille. Idem pour les ex-premières dames, Laura Bush et Michelle Obama. Une grève à la SNCF pendant les vacances d'été. C'est possible, l'intersyndicale se retrouve en tout cas ce soir pour en parler. Il reste encore les conventions collectives sur lesquelles se mettre d'accord lors de la réforme du rail. L'actuelle grève perlée est censée se terminer le 28 juin prochain. Grève suspendue chez Air France. L'intersyndicale de pilotes, de personnel au sol et d'hôtesses et de stewards ont décidé d'attendre la nomination d'un nouveau PDG prévu mi-juillet. En revanche, le SPAF, deuxième syndicat de pilotes, maintient son préavis prévu entre le 23 et le 26 juin. L'intersyndicale demande 5% d'augmentation pour les personnels. La direction en propose 3. Le Parlement se réunira en congrès en juillet à Versailles. Session le lundi 9 juillet où Emmanuel Macron doit s'exprimer. L'Élysée avait confirmé en mai dernier que le chef de l'État s'exprimera de nouveau devant le congrès comme il l'avait fait en 2017 et comme il l'avait promis de le faire chaque année. Et puis au Mondial de foot, l'Angleterre et la Belgique ont réussi hier leur entrée dans la compétition. De la grisaille ce matin sur le nord-ouest de la France, des brouillards sur le Finistère et également sur la Manche, et puis des nuages de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais jusqu'en fin de matinée. On aura plutôt des éclaircies de la façade atlantique jusqu'au Grand Est, et puis un grand ciel bleu sur un quart sud-est du pays. Vers la mi-journée, le reste de la grisaille sur le nord de la France devrait se dissiper et on va assez vite avoir un grand ciel bleu sur tout le pays, et ça va durer quelques jours, quasiment jusqu'à la fin de la semaine. Les températures en ce moment, 14 degrés ce matin à Albi, 15 à Cognac, 17 à Lille, 18 à Annecy, 20 degrés pour Toulon et également à Perpignan. Tous les matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai. Que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Et écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north. We came from the south. We are the nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Elle, il, on a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north. Tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon. Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Tout se donne. Embrasser le monde entier. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Nation sur RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Bonjour, bienvenue, 8h06, bonjour Justine. Et salut Greg, salut tout le monde. Un mot sur Tibbs, il sera pour la fête de la musique sur RTL 2, il sera dans l'émission de l'après-midi avec Pascal Langlois, midi 16h. Delta sera avec Kevin Olivier en live entre 9h et midi. Dans le drive, les Négresses Vertes. Et chez nous, Jason Amraz. Voilà, dès la fête de la 8h pour la fête de la musique jeudi matin. Vous avez entendu le double expresso avec Grégory Achère et Justine Salmon. Mais l'an dernier, il y avait le double expresso avec Grégory Achère, Justine Salmon et Arnaud de Samer. Et il est venu nous rendre visite ce matin. Salut les copains. Il nous a fait une surprise, il est passé nous voir ce matin. Alors on s'est dit on va faire un petit coucou. Et je suis venu vous apporter une info expresso. Ouais. Et il paraît que c'est les gens préfèrent, alors je sais pas si c'est une réaction chimique du cerveau, ils préfèrent un bon plat de spaghetti carbonara à du